I'm

Dans le fait que on a partagé vite beaucoup et que si jamais je te dis que tu vas être blessé, voilà. Et donc, elle m'a dit, ah oui, mais parce qu'elle est pas con, elle est... oui, mais elle est vraiment pas con, c'est ça le truc. Elle a aucun intérêt à dire. La relation est finie maintenant. C'est vraiment compliqué, tu vois. C'est que, tu vois, il y a un moment, bon, c'est est-ce que tu veux continuer la relation ou pas, et est-ce que tu engages ou pas, et est-ce que tu es d'accord ou pas. C'est exactement ça. Donc elle essaie de me dire des trucs que j'ai entendu un peu parce que je vais essayer de faire des efforts. Alors elle ressemble, voilà, mais non, mais elle aussi elle est prête à se poser avec moi. Oui, mais je suis pas sûre, tu vois, parce que je pense... Et c'est la meuf, elle m'a offert un plug anal, si tu veux, donc je pensais qu'elle est ouverte, t'as vu. Ouais, j'en sais rien, moi je sais pas. Non, mais si tu veux, elle... Non, mais non, mais justement, au vu de ses expériences. Et si la meuf elle a vécu des trucs, tu vois, elle est pas. Non, mais justement, elle peut laisser la place à des trucs. Qui... Sachant que moi, en fait, j'ai beaucoup. J'ai non, mais les copains, non, mais la vérité, c'est que j'ai beaucoup préjugé, c'est pas faux, elle a raison. Je sais pas, Non, mais c'est pas. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple de justement, c'est, ça arrive parce que t'as de l'expérience, quoi. Ou pas, mais si, en fait. Aux enfants de 12 ans qui ont grandi avec du porno, mais nous on a grandi sur internet, elle aussi, tu vois. Moi je sais, moi je sais pas. Pas bien. Je sais pas vraiment dire non, donc pour quelqu'un qui pousse, si tu veux, je me fais bouffer direct. Mais j'étais d'accord en fait de me faire bouffer un petit peu à nouveau. De froid, je suis complètement. Je venais de passer 1 minute 20, 22 sans l'avoir mentionné. Alors, je l'avais dit avant, je ne choisis pas de me poser la question. Et là, je conclue en parlant de ça. Je suis débile. Je suis débile. Débile. Ouais, je suis débile. Mademoiselle, vous êtes fraîche, vous êtes belle, mademoiselle. Thank you. C'était trop cool, merci, tu t'as trop géré. De quoi? T'inquiète. Si elle veut habiter avec moi, moi je veux bien habiter avec elle. Ouais, aucun souci. D'accord. Bravi. Bravi, ouais.